La femme au XVIIIe siècle, d'Edmond et Jules de Goncourt. Chapitre 1er, la naissance, le couvent, le mariage. Quand au XVIIIe siècle la femme naît, elle n'est perçue dans la vie par la joie d'une famille. Le foyer n'est pas en fête à sa venue. Sa naissance ne donne point au cœur des parents l'ivresse d'un triomphe. Elle est une bénédiction qu'ils acceptent comme une déception. Ce n'est point l'enfant désiré par l'orgueil, appelé par les espérances des pères et des mères dans cette société gouvernée par des lois saliques. Ce n'est point l'héritier prédestiné à toutes les continuations et à toutes les survivances du nom, des charges, de la fortune d'une maison. Le nouveau-né n'est rien qu'une fille, et devant ce berceau il n'y a que l'avenir d'une femme. Le père reste froid, la mère souffre comme une reine qui attendait un dauphin. Bientôt une nourrice emportait au loin la petite fille, que la mère n'ira guère boire chez sa nourrice qu'au temps des tableaux de Greuze et d'Aubry. Lorsque la petite fille sortait de nourrice et revenait à la maison, elle était remise aux mains d'une gouvernante et logée avec elle dans les appartements du comble. La gouvernante travaillait à faire de l'enfant une petite personne, mais doucement, avec beaucoup de flatterie et de gâterie. Dans cette petite fille qu'elle ne corrigeait guère, et à laquelle elle passait à peu près toutes ses volontés, elle ménageait déjà une maîtresse qui, lors de son mariage, devait lui assurer une petite fortune. Elle lui apprenait à lire et à écrire. Elle promenait ses yeux sur les figures de la Bible de Sacy. Elle lui montrait dans une jolie boîte d'optique la géographie en lui faisant voir le monde, l'intérieur de Saint-Pierre, la fontaine de Trévis, le dôme de Milan avec toutes ses petites figures, la nouvelle église de Sainte-Geneviève, patronne de Paris, l'église Saint-Paul, le nouveau palais sans souci, l'ermitage de l'impératrice de Russie. Elle lui mettait entre les mains quelque avis d'un père ou d'une mère à sa fille, quelque traité du vrai mérite. Elle lui recommandait encore de se tenir droite, de faire la révérence à tout le monde, et c'était à peu près tout ce que la gouvernante enseignait à l'enfant. Les tableaux du XVIIIe siècle ne représenteront cet enfant, la petite fille, ce commencement de la femme du temps, la tête chargée d'un bourrelet tout empanaché de plumes ou couvert d'un petit bonnet orné d'un ruban, fleuri d'une fleur sur le côté. Les petites filles portent un de ces grands tabliers de tulle transparent, à bouquets brodés, que traverse le bleu ou le rose d'une robe de soie. Elles ont des hochets magnifiques, des grelots d'argent, d'or, en corail, en cristaux, à facettes. Elles sont entourées de joujoux fastueux, de poupées de bois aux joues furieusement fardées, souvent plus grandes qu'elles, et qu'elles ont peine à tenir dans leurs petits bras. Parfois, au milieu d'un parc à la française, on les aperçoit se traînant entre elles sur le sable d'une allée dans des petits chariots roulants, modelés sur la rocaille des conques de Vénus qui passent à travers les tableaux de Boucher. Elles ne se font voir qu'enrubannées, pomponnées, toutes chargées de dentelles d'argent, de bouquets, de nœuds. Leur toilette est la miniature du luxe et des robes superbes de leur mère. À peine leur laisserait-on le matin ce petit négligé appelé habit de marmotte ou de savoyarde, ce joli juste de taffetas brun avec un jupon court de même étoffe, garni de deux ou trois rangs de rubans couleur de rose cousus à plat, et cette jolie coiffure si simple faite d'un fichu de gaze noué sous le menton. Charmante toilette où l'enfance est si à l'aise, où sa fraîcheur est si bien accompagnée, où sa grâce a tant de liberté. Mais ce n'est point ainsi que les petites filles plaisent aux parents. Il est leur faute habillées et gracieusées au goût de ce siècle, qui, sitôt qu'elles marchent, les enferme dans un corps de baleine, dans une robe d'apparat, et leur donne un maître à danser, un maître à marcher. Et voici, dans une gravure de Cano, la petite personne en position, qui arrondit les bras et pince du bout des doigts les deux côtés de sa jupe bouffante, d'un air sérieux, d'un air de dame, tandis que le maître répète « Allez donc en mesure, soutenez, allez donc, tournez-la, trop tard, les bras morts, la tête droite, tournez donc, mademoiselle, la tête un peu plus soutenue, coulez le pas, plus d'hardiesse dans le regard. » Faire jouer la dame à la petite fille, la première éducation du XVIIIe siècle ne tend qu'à cela. Elle corrige dans l'enfant tout ce qui est vivacité, mouvement naturel, enfance. Elle réprime son caractère comme elle contient son corps. Elle la pousse de tous ses efforts en avant de son âge. En voit-on la petite fille promener aux Tuileries, on lui recommande comme si son panier ne devait pas empêcher ses enfantines folies de ne pas sauter, de se promener d'un air grave. Est-elle ma reine? A-t-elle ce bonheur? Une des grandes ambitions de l'enfance du temps? Le premier rôle qu'on lui fait jouer dans la société, on la voit monter en voiture comme une femme, des plumes dans les cheveux, le fil de perles au cou, le bouquet à l'épaule gauche. L'amène-t-on à un bal d'enfant? Car il faut presque dès le berceau habituer la femme au monde pour lequel elle vivra, au plaisir qui sera sa vie. On lui place sur la tête un énorme coussin appelé toqué, sur lequel s'échafaude à grand renfort d'épingles et de faux cheveux un monstrueux hérisson couronné d'un lourd chapeau. On lui met un corps neuf, un lourd panier rempli de crins et cerclé de fer. On la pare d'un habit tout couvert de guirlandes, et on la conduit au bal en lui disant « Prenez garde d'ôter votre rouge, de vous décoiffer, de chiffonner votre habit, et divertissez-vous bien. » Ainsi se forment ces petites filles maniérées qui jugent d'une mode, décident d'un habit, se mêlent du bon air. Enfants jolis à croquer, et tout au parfait, ne pouvant souffrir une dame sans odeur et sans mouche. Des petits appartements où la gouvernante gardait la petite fille. La petite fille ne descendait guère chez sa mère qu'un moment, le matin, à 11 heures, quand entraient dans la chambre au volet à demi fermé les familiers et les chiens. « Comme vous êtes mise ?» disait la mère à sa fille qui lui souhaitait le bonjour. « Qu'avez-vous ? Vous avez bien mauvais visage aujourd'hui. Allez mettre du rouge. Non, n'en mettez pas. Vous ne sortirez pas aujourd'hui. » Puis, se tournant vers une visite qui arrivait, « Comme je l'aime, cet enfant. Viens, baise-moi, ma petite. Mais tu es bien sale. Va te nettoyer les dents. Ne me fais donc pas tes questions à l'ordinaire. Tu es réellement insupportable. » « Ah, madame, quelle tendre mère !» disait la personne en visite. « Que voulez-vous ? » répondait la mère. « Je suis folle de cet enfant. » Point d'autre société, d'autre communion entre la mère et la petite fille que cette entrevue banale et de convenance, commencée et finie le plus souvent par un baiser de la petite fille embrassant sa mère sous le menton pour ne pas déranger son rouge. L'on ne trouve point trace, pendant de longues années, d'une éducation maternelle, de ce premier enseignement où les baisers se mêlent aux leçons, où les réponses rient aux demandes qui bégayent. L'âme des enfants ne croit pas sur les genoux des mères. Les mères ignorent ces liens de caresse qui renouent une seconde fois l'enfant à celle qu'il a portée, et font grandir pour la vieillesse d'une mère l'amitié d'une fille. La maternité d'alors ne connaît point les douceurs familières qui donnent aux enfants une tendresse confiante. Elle garde une physionomie sévère, dure, grondeuse, dont elle se montre jalouse. Elle croit de son rôle et de son devoir de conserver avec l'enfant la dignité d'une sorte d'indifférence. Aussi la mère apparaît-elle à la petite fille comme l'image d'un pouvoir presque redoutable, d'une autorité qu'elle craint d'approcher. La timidité prend l'enfant. Ses tendresses effarouchées rentrent en elle-même, son cœur se ferme. La peur vient où ne doit être que le respect. Et les symptômes de cette peur apparaissent à mesure que l'enfant avance en âge, si fort et si marqué, que les parents finissent par s'en apercevoir, par en souffrir, par s'en effrayer. Il arrive que la mère, le père lui-même, étonnés et troublés de recueillir ce qu'ils ont semé, mandent à leur fille de travailler à effacer le tremblement qu'elle met dans son amour filial. Le tremblement, je trouve ce mot terrible sur l'attitude des filles dans une lettre d'un père à sa fille. La petite fille avait à peu près appris le peu que lui avait montré sa gouvernante. Elle savait bien lire et le catéchisme. Elle avait reçu les leçons du maître à danser. Un maître à chanter lui avait enseigné quelques rondeaux. Dès 7 ans, on lui avait mis les mains sur le clavecin. L'éducation de la maison était finie. La petite fille était envoyée au couvent. Le couvent. Il ne faut point s'arrêter à ce mot, ni à l'idée de ce mot, si l'on veut avoir de ce que le couvent était réellement au XVIIIe siècle, la notion juste et le sentiment historique. Essayons donc, au moment où la jeune fille franchit sa porte, de peindre cette école et cette patrie de la jeunesse de la femme du temps. Retrouvons-en, s'il se peut, le caractère, les habitudes, l'atmosphère, cet air de cloître traversé à tout moment par le vent du monde, le souffle des choses du temps. Cherchons-en l'âme, comme on cherche le génie d'un lieu, dans ces murs sévères où l'on ouvre des fenêtres, où l'on pose des balcons, où l'on construit des cheminées, l'on fait des plafonds pour cacher les grosses poutres, où l'on place des corniches, des chambranles, des portes à deux battants, des lambris bronzés, où la sculpture, la dorure et la serrurerie la plus fine jettent sur le passé le luxe et le goût du siècle. Image du couvent même, de ces retraites religieuses auxquelles l'abbaye de Chelles semble avoir laissé l'héritage de plaisirs, de musique, de modes et d'arts futiles, de mondanités bruyantes et charmantes dont l'abbesse avait rempli son couvent. Le couvent alors est d'un grand usage. Il répond à toutes sortes de besoins sociaux. Il garantit les convenances en beaucoup de cas. Il n'est pas seulement la maison du salut, il a mille utilités d'un ordre plus humain. Il est, dans un grand nombre de situations, l'hôtel garni et l'asile décent de la femme. La veuve qui veut acquitter les dettes de son mari s'y retire, comme la duchesse de Choiseul. La mère qui veut refaire la fortune de ses enfants y vient économiser, comme la marquise de Créqui. Le couvent est refuge et lieu de dépôt. Il tient cloîtrée la petite Émilie que la jalousie de Fimarcon enlève de l'opéra. Il tient renfermer les maîtresses des princes qui vont se marier. Les femmes séparées de leur mari viennent y vivre. Le couvent reçoit les femmes qui veulent, comme Madame de Defens et Madame Doublet, un grand appartement, du bon marché et du calme. Il a encore des logements pour des retraites, pour des séjours de dévotion, où s'établissent, à certaines époques de l'année, des grandes dames, des princesses élevées dans la maison. Retour d'habitude et de recueillement aux lieux, aux souvenirs, aux dieux de leur jeunesse, qui inspireront à la clos la belle scène de Madame de Tourvel mourant dans cette chambre qui fut la chambre de son enfance. Tout ce monde, toute cette vie du monde, envahissant le couvent, avait apporté bien du changement à l'austérité de ses mœurs. La parole inscrite au fronton des nouvelles catholiques, Vincit mundum fides nostra, n'était plus guère qu'une lettre morte. Le monde avait pris pied dans le cloître. Il est vrai que toutes ses locataires, qui étaient comme un abrégé de la société et de ses aventures, habitaient d'ordinaire des corps de bâtiments séparés du couvent. Mais de leur logis au couvent même, il y avait trop peu de distance pour qu'il n'y eût point d'écho et de communication. Les sœurs converses, chargées des travaux à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, apportaient les choses du dehors au couvent pénétré par les bruits du siècle et les entendant jusque dans cette voix de Sophie Arnoux chantant aux ténèbres de Panthémon. Les sorties fréquentes des pensionnaires ramenaient comme des lueurs et des éclairs de la société. Le monde entrait encore au couvent par ces jeunes pensionnaires, mariés à 12 ou 13 ans, et qu'on y remettait pour les y retenir jusqu'à l'âge de la nubilité. Le parloir même, où le poète fuselier était admis à réciter ses vers, avait perdu de sa difficulté d'abord. Il n'était plus rigoureusement, religieusement fermé. Les nouvelles de la cour et de la ville y trouvaient accès. Ce qui se faisait à Versailles, ce qui se passait à Paris, y avait un contre-coup. Tout y frappait, tout s'y glissait. La clôture n'arrêtait rien des pensées du monde, ni les ambitions, ni les insomnies, ni les rêves, ni les fièvres d'avenir. Il en empêchait à peine l'expérience. Qu'on se rappelle ces projets de Mademoiselle de Nesle, devenue Madame de Vintimille, ce plan médité, dessiné, résolu, d'enlever le roi à Madame de Mailly. Toute cette grande intrigue, imaginée, raisonnée, calculée par une petite fille dans une cour de couvent d'où elle jugeait la cour, pesait Louis XV, montrait Versailles à sa fortune. Quelle preuve encore du peu d'isolement moral et spirituel de cette vie cloîtrée? Une preuve bien singulière, un livre, les confidences d'une jolie femme, qu'une jeune fille pourrait écrire au sortir du Panthémon. Prise en amitié pour cette mademoiselle de Rouen, qui fut plus tard la belle comtesse de Brionne, Mademoiselle d'Albert puisera dans les nouvelles apportées à la jeune Rouen, dans les confidences de sa protectrice, dans tout ce qu'elle entendra autour d'elle au couvent, une connaissance si vraie, si particulière des mœurs de la société, de Versailles et de Paris, que son livre aura l'air d'avoir été écrit d'après nature. Et les gens qu'elle aura peints ne se trouveront-ils point assez ressemblants pour la faire enfermer quelques mois à la Bastille? N'y a-t-il pourtant point tout au fond des couvents une lamentation sourde de cœur brisé, un gémissement d'âme prisonnière, la torture et le désespoir des vœux forcés? Les romans ont appelé la pitié sur ces jeunes filles sacrifiées par une famille à la fortune de leurs frères, entourées, circonvenues, assiégées par les sœurs dès l'âge de 14 ans, et contraintes d'entrer en religion à l'accomplissement de leurs 16 ans. Mais les romans ne sont pas l'histoire, et il faut essayer de mettre la vérité où l'on a mis la passion. Sans doute la constitution de l'ancienne société, pareille à la loi de nature, uniquement intéressée à la conservation de la famille, à la continuation de la race, peu soucieuse de l'individu, autorisait de grands abus et de grandes injustices contre les droits, contre la personne même de la femme. Il y eut, on ne peut le nier, des cas d'oppression et des exemples de sacrifices. Des jeunes filles nées pour une autre vie que la vie de couvent, appelées hors du cloître par l'élan de tout leur goût et de toute leur âme. Des jeunes filles dont le cœur aurait voulu battre dans le cœur d'un mari, dans le cœur d'un enfant, refoulées, rejetées au cloître par une famille sans pitié, par une mère sans entrailles, vécurent, pleurant dans une cellule sur leur rêve évanoui. Mais ces vœux forcés sont singulièrement exceptionnels. Ils sont en contradiction avec les habitudes générales, la conscience et les mœurs du XVIIIe siècle. Ne voyons-nous pas dans les mémoires du temps des jeunes filles résister très nettement à l'ordre formel de leurs parents qui veulent imposer le voile et triompher de leur volonté? D'ailleurs, la dureté de la paternité et de la maternité, dureté d'habitude et de rôle plutôt que de fond et d'âme, diminue à chaque jour du siècle. Et quand la harpe lit dans tous les salons de Paris sa Mélanie, inspirée, disent ses amis, par le suicide d'une pensionnaire de l'Assomption, la religieuse par force n'est plus qu'un personnage de théâtre. Les vœux forcés ne sont plus qu'un thème dramatique. Lorsqu'on écarte les déclamations philosophiques et les traditions romanesques, le couvent apparaît bien plutôt comme un asile que comme une prison. Il est avant tout le refuge de toutes les existences brisées, le refuge presque obligé des femmes maltraitées par la petite vérole, une maladie à peu près oubliée aujourd'hui, mais qui défigurait alors le quart des femmes. La société par tous ses conseils, la famille par toutes ses exhortations, poussèrent vers l'ombre d'un couvent la jeune personne à laquelle arrivait ce malheur. La mère même, par dévouement, consentait à te détacher de cette malheureuse enfant que la laideur retranchait de la société et qui finissait par baisser la tête sans révolte sous l'impitoyable principe du temps. Une femme laide est un être qui n'a point de rang dans la nature, ni de place dans le monde. 200 000 laiderons, comme dit le prince de Ligne, mettaient ainsi leur amour-propre à couvert, et consolaient leur orgueil avec les ambitions de la vie de couvent, avec les honneurs et les prérogatives d'une abbaye. Il est d'autres vœux plus propres au siècle, et que l'on y rencontre plus souvent, engagements légers, presque de mode, et qui semblent seulement mettre dans la toilette d'une femme les couleurs de la vie religieuse. Un certain nombre de jeunes personnes de la noblesse se rattachaient à des ordres qui, sans exiger d'elles la prononciation d'aucun vœu solennel ou simple, leur permettaient de vivre dans le monde et d'emporter l'habit, leur donnaient quelquefois un titre, toujours quelque attribut honorifique. C'étaient les chanoinesses, dont le chapitre le plus fameux, celui de Remiremont en Alsace, avait pour destination de recevoir le sang le plus pur des maisons souveraines, les noms les plus illustres du monde chrétien. Dans cette association des chanoinesses, divisée en dames nièces et en dames tantes, qui avaient prononcé leurs vœux et qui étaient forcées de résider au chapitre 2 ans sur 3, la jeune personne, une fois admise, gagnait des relations, des protections, des amitiés, un patronage. Et comme l'usage de chaque tante était de s'appréhender ou de s'agniècer une nièce, chaque nièce pouvait espérer l'héritage des meubles d'une tante, de ses bijoux, de sa petite maison, de sa prébende. Madame de Genlis nous a raconté sa réception au chapitre noble d'Alix de Lyon, lorsqu'elle était tout enfant. Elle se peint en habit blanc au milieu de toutes les chanoinesses, habillée à la façon du monde, avec des robes de soie noire sur des paniers et de grandes manches d'hermine. Son credo récité au pied du prêtre, le prêtre lui coupe une mèche de cheveux. Et lui attache un petit morceau d'étoffe blanc et noir, long comme le doigt, et qu'on appelait un mari. Puis il lui passe au cou et à la taille une croix émaillée pendue à un cordon rouge et une ceinture faite d'un large ruban noir moiré. Et la voilà ainsi parée, toute fière, gonflée dans sa vanité de petite fille de 7 ans, quand on l'appelle du titre des chanoinesses, madame ou comtesse. On le voit, il faut qu'à chaque pas, l'historien dégage des préjugés, redemande aux faits, restitue à l'histoire l'aspect véritable, le caractère, la destination, les habitudes, les mœurs des communautés religieuses. le roman a tout dénaturé, tout travesti. Après avoir peuplé par des vœux forcés le couvent du XVIIIe siècle, ce couvent dont les transfuges sont accueillis et gardés par l'archevêque de Paris lui-même, le roman le remplit de scandales. Ce ne sont qu'histoires, ce ne sont qu'estampes où l'on voit une chaise de poste en arrêt la nuit au pied d'un jardin de couvent, ou bien une pensionnaire descendant une échelle au bas de laquelle l'attend l'amant, tandis que la femme de chambre est encore là-haut à cheval sur la crête du mur. Intrigue filée au parloir, amoureux déguisé en commissionnaire, remise de lettres en cachette, corruption de sœur converse qui ouvre la grille, enlèvement de jeune fille au milieu d'une prise d'habits à travers une foule tenue en respect par des pistolets. Ce sont les coups de théâtre ordinaires, les scènes qui se pressent dans ces pages à la Casanova. Il semble voir mise en action la morale de Bussy disant qu'il fallait toujours enlever, qu'on avait d'abord la fille, puis l'amitié des parents, et qu'après leur mort, on avait encore leur bien. Rien de plus faux, rien de plus contraire à la réalité des choses que ce point de vue. On compte au XVIIIe siècle les scandales des pensionnaires de couvent, et la liste n'a que quelques noms. Dans ce temps où la femme mariée a si peu de défense, la faute d'une jeune fille, et surtout d'une jeune fille bien née, est d'une rareté extraordinaire. Elle n'est pas dans les mœurs. Rousseau en fait la remarque, et il n'est pas le seul à la faire. Puis, l'enlèvement n'était pas un jeu, loin de là, et ses conséquences avaient de quoi faire pâlir et faiblir les plus amoureux, les plus fous, les plus braves. N'était-ce pas un épouvantail pour les agréables, les plus décidés, que le terrible exemple de Monsieur de la Rochecourbon, condamné à avoir la tête tranchée, après avoir enlevé en 1737 Mademoiselle de Maurras du couvent de Notre-Dame de la Consolation. Sa mère mourait de chagrin, et lui-même en fuite, chassé de Sardaigne, où il s'était réfugié près de son parent. Monsieur de Saint-Nectaire, ambassadeur de France, finissait misérablement. Le grand couvent du XVIIIe siècle, après le couvent de Fontevraud, la maison d'éducation ordinaire des filles de France, et le couvent de Panthémon, le couvent princier de la rue de Grenelle, où s'élèvent les princesses, où la plus haute noblesse met ses filles, espérant pour elles, de la camaraderie, de l'amitié commencée au couvent avec une altesse, quelques faveurs, quelques grâces, quelques places de dame auprès de la princesse future. C'est ainsi que Madame de Barbantane plaçait sa fille auprès de Madame la Duchesse de Bourbon, pour que, sortir du couvent, elle devint dame d'honneur de la Duchesse. Après ce couvent, qui est le monde, la cour elle-même en raccourcit, et où la jeune fille avec sa gouvernante et sa femme de chambre mène une vie et reçoit une éducation particulière, vient un autre couvent affectionné par la noblesse et peuplé de pensionnaires à grand nom, le couvent de la Présentation. Autour et au-dessous de ces deux grandes maisons se rangent toutes les autres maisons religieuses recevant des pensionnaires, abbayes, communautés, couvents, répandues dans tout Paris, et dont chacun semble avoir sa spécialité et sa clientèle, l'habitude de recevoir les filles d'un quartier de la capitale ou d'un ordre de l'État. Prenons l'exemple des dames de Sainte-Marie de la rue Saint-Jacques. La haute magistrature et la grande finance semblent avoir fait le choix pour leurs enfants de cette maison, moins relevée que Panthémon ou la Présentation, mais tenue pourtant par le public en grande considération et renommée pour la supériorité de ses études. Discipline, forme d'éducation, régime intérieur, toute la règle de ces couvents n'est qu'une imitation, parfois un relâchement de la règle de Saint-Cyr. Partout se retrouve l'inspiration, l'esprit de cette maison modèle, la trace de ces divisions en quatre classes distinguées selon les âges par des rubans bleus, jaunes, verts et rouges. Partout c'est une éducation flottant entre la mondanité et le renoncement, entre la retraite et les talents du siècle. Une éducation qui va de Dieu à un maître d'agrément, de la méditation à une leçon de révérence. Et ne la dirait-on pas, figurée par ce costume, des pensionnaires montrant à moitié une religieuse, à moitié une femme? La jupe et le manteau sont d'étamine brune du Mans, mais la robe a un corps de baleine. Sur la tête, c'est une toile blanche, mais cette toile a de la dentelle. Il est bien commandé à la coiffure d'avoir un air de simplicité et de modestie, mais il n'est pas défendu de la ranger à la mode du temps. Douze et heureuses éducations, que ces éducations de couvent, sans cesse égayées, affranchies de jour en jour des sévérités et des tristesses du cloître, tournées peu à peu presque uniquement vers le monde, et vers tout ce qui forme les grâces et les charmes de la femme pour la société. On voit souvent, dans le XVIIIe siècle, des femmes se retournaient vers ce commencement de leur vie, comme vers un souvenir où l'on respire un bonheur d'enfance. La continuation des études commençait à la maison, la venue des maîtres, les leçons de danse, de chant, de musique. C'était l'occupation et le travail de ces journées de couvent, dont tant de fêtes interrompaient la monotonie, dont tant d'espiègleries abrégeaient la longueur. L'on brodait, l'on tricotait même. Ou bien l'on jouait à quelque ouvrage de ménage. L'on battait les mains à une friandise. L'on s'amusait à faire quelques gâteaux de couvent pareils à ces pains de citron que les enfants voyaient de certains jours à leurs parents. De temps en temps, arrivaient de belles récompenses, comme la permission d'aller à la messe de minuit, accordée aux petites filles bien sages, et leur donnant rang parmi les grandes. Et s'il fallait punir, les sœurs inventaient quelqu'une de ces grandes punitions avec lesquelles elles ôtaient si bien à mademoiselle de Raveteau, lorsqu'elle tombait en faute, l'envie d'y retomber. Il s'agissait d'une paralytique que la mère de cette jeune personne avait recueillie, et dont elle avait à sa mort laissé le soin à sa fille. Cette pauvre femme était amenée une fois par semaine, en chaise à porteur, au parloir extérieur, et la jeune fille se faisait une joie de la peigner, de la laver, de lui couper les ongles. Les jours où l'on était mécontent de mademoiselle de Raveteau au couvent, on ne lui permettait pas le plaisir de cet acte de charité, on mettait son cœur en pénitence. Cette éducation des filles dans les couvents a été, au XVIIIe siècle même, l'objet de bien des attaques. Qu'était-elle pourtant, en deux mots? La jeune fille, enlevée toute jeune à cette vie brillante de la maison paternelle, aperçue comme dans un rêve d'enfance, emportait au couvent l'image de ce salon, de ces fêtes dont l'éclat lui revenait dans un songe. Du calme et du silence qui l'entouraient, elle s'échappait, elle s'élançait vers ses souvenirs et ses désirs. Son imagination travaillait et prenait feu sur tout ce qu'elle saisissait du dehors, sur tout ce qu'elle devinait. Les choses entrevues dans une sortie, les plaisirs, les hommages des hommes aux femmes, passaient et repassaient dans sa tête, grandissaient dans sa pensée, irritaient ses impatiences, agitaient ses nuits. Élevée dans la maison de ses parents, la facilité de ses plaisirs, la vue journalière et l'habitude du monde eussent bien vite apaisé ses curiosités et ses ardeurs, que parmi les jeunes femmes du XVIIIe siècle, celle-là faisait éclater le plus follement qui sortait du couvent. Généralement, le mariage de la jeune fille se faisait presque immédiatement au sortir du couvent, avec un mari accepté et agréé par la famille. Car le mariage était avant tout une affaire de famille, un arrangement au gré des parents, que décidaient des considérations de position et d'argent, des convenances de rang et de fortune. Le choix était fait d'avance pour la jeune personne, qui n'était pas consultée, qui apprenait seulement qu'on allait la marier très prochainement par l'occupation où toute la maison était d'elle, par le mouvement des marchandes, des tailleurs, par l'encombrement des pièces d'étoffe, des fleurs, des dentelles à porter, par le travail des couturières à son trousseau. De la cour qui lui était faite, de l'amabilité que dépensait un jeune mari pour sa fiancée, nous avons dans les comédies le ton léger, l'impertinence cavalière et pressée d'en finir. « Ah, remerciez-moi, dit-il, vous êtes charmante et je n'en dis presque rien. Vous avez là de la dentelle d'un goût qui, ce me semble... Passez-moi l'éloge de la dentelle. Quand nous marit-on ? » Et encore, merci accuse-t-il d'une grosse illusion, ou plutôt d'un impudent mensonge historique, les auteurs comiques du temps pour montrer sur le théâtre une cour, si peu filée qu'elle soit, faite par l'homme à la jeune fille qu'il doit épouser, quand chacun sait que les filles de la noblesse et même celles de la haute bourgeoisie restent au couvent jusqu'au mariage et n'en sortent que pour épouser. Au reste, sur le train expéditif des unions du temps, sur leur mode d'arrangement et de conclusion entre les grands-parents, sur le peu de part qui avait les goûts ou les répugnances de la jeune fille, il existe un curieux document, parlant comme une scène, vif comme un tableau, et qui va nous donner une idée complète de la façon dont le mari était présenté à sa future femme, du temps qu'on laissait à celle-ci pour le connaître, l'aimer et se faire aimer. C'est le récit du mariage de Madame d'Audetot. Monsieur de Rainville est venu proposer à Monsieur de Bellegarde un mari pour sa fille Mimi, dans la personne d'un de ses arrière-cousins que l'on dit être un très bon sujet. Comme Monsieur de Bellegarde est un excellent père, et qu'il veut avant tout que le jeune homme plaise à sa fille, c'était une phrase qui se disait « On prend jour ». Et Mimi, ayant été bien prévenue, parce qu'elle a l'habitude de ne jamais faire attention à personne, l'on va dîner chez Madame de Rainville, où l'on trouve tous les Rainville et tous les Doudetot du monde. Tout d'abord, la marquise Doudetot embrasse toute la famille Bellegarde. On se met à table. Mimi est à côté du jeune Doudetot. Monsieur de Rainville et la marquise Doudetot s'emparent de Monsieur de Bellegarde. Et au dessert, on cause tout au mariage. Le café pris, les domestiques sortis. « Tenez, » dit bravement le vieux Monsieur de Rainville. « Nous sommes ici en famille. Ne traitons pas cela avec tant de mystère. Il ne s'agit que d'un oui ou d'un non. Mon fils vous convient-il? Oui ou non? Et à votre fille, oui ou non de même? Voilà l'item. Notre jeune comte est déjà amoureux. Votre fille n'a qu'à voir s'il ne lui déplaît pas, qu'elle le dise. Prononcez, ma filleule. » Là-dessus, Mimi rougit. Et Madame d'Esclavel, cherchant à arrêter les choses, demandant qu'on laisse le temps de respirer. « Oui, » reprend M. de Rainville, « il vaut mieux traiter d'abord les articles. Et les jeunes gens, pendant ce temps, causeront ensemble. » « C'est bien dit, c'est bien dit. » L'on passe, sur ce mot, dans un coin du salon. Et voilà M. de Rainville annonçant que le marquis Doudetot donne à son fils 18 000 livres de rente en Normandie et la compagnie de cavalerie qu'il lui a achetée l'année d'avant. Voilà la marquise Doudetot qui donne ses diamants, qui sont beaux et tant qu'il y en aura. Monsieur de Bellegarde riposte en promettant 300 000 livres pour dot et sa part de succession. Et l'on se lève en disant « Nous voilà tous d'accord, signons le contrat ce soir. Nous ferons publier les bans dimanche. Nous aurons dispense des autres et nous ferons la noce lundi. » Chose dite, chose faite. En passant, l'on disait au notaire le projet de contrat, on allait faire part du mariage à toute la famille, et l'on retombait chez Monsieur de Bellegarde, où le soir même, au milieu du froid et de la gêne de ces deux familles entièrement inconnues l'une à l'autre, l'on signait les articles. Pendant la lecture, la marquise Doudetot remettait à Mademoiselle de Bellegarde, comme présent de noces, deux écrins de diamants dont la valeur restait en blanc dans le contrat, faute d'avoir eu le temps d'en faire l'estimation. Tout le monde signait, on se mettait à table, et le jour de la noce était fixé au lundi suivant. À cette union improvisée qui nous représente si nettement le mariage du XVIIIe siècle, Mademoiselle de Bellegarde n'opposait pas plus de résistance que les autres jeunes filles du temps. Elle s'y laissait aller, elle s'y prêtait complaisamment comme elle. La grande jeunesse, l'enfance presque, l'âge sans force et sans volonté où l'on mariait les jeunes filles, l'affection sévère, la tendresse sans épanchement, sans familiarité qu'elles trouvaient auprès de leur mère, la crainte de rentrer au couvent, les pliait à la docilité, les décidait à un consentement de premier mouvement et qu'enlevait la présentation. D'ailleurs, c'était le mariage et non le mari qui leur souriait, qui les séduisait, qui faisait leurs désirs et leurs rêves. Elles acceptaient l'homme pour l'état qu'il allait leur donner, pour la vie qu'il devait leur ouvrir, pour le luxe et les coquetteries qu'il devait leur permettre. Et cette même, Madame Doudetot, l'avouera un jour qu'elle sera un peu grise du vin bu par son voisin de table Diderot, elle laissera échapper la pensée de la jeune fille et son secret dans cette confession naïve. « Je me mariais pour aller dans le monde et voir le bal, la promenade, l'opéra et la comédie. » Une autre femme, Madame de Puisieux, répétera cette confession de Madame Doudetot en convenant que devant la tentation d'une berline bien dorée, d'une belle livrée, de beaux diamants, de jolis chevaux, elle aurait épousé l'homme le moins aimable pour avoir la berline, les diamants, mettre du rouge et des mules. À l'église retentissait une ou deux fois. Il y a promesse de mariage entre haut et puissant seigneur, et haute et puissante demoiselle, fille mineure de cette paroisse. Tandis que la gravure du temps, appelée à encadrer d'un peu de poésie tous les actes de la vie, jetait en marge des lettres de faire part ces allégories mythologiques. Arrivait la veille du mariage. La famille et les amis venaient visiter, admirer, critiquer la corbeille, à laquelle rien ne manquait que la bourse remise à la fiancée, comme nous le voyons par une gravure d'Eisen, dans un joli sac, et de la main à la main, par le fiancé après la cérémonie du contrat. Le jour de la célébration du mariage, la mariée, grandement décolletée, ayant des mouches, du rouge et de la fleur d'oranger, vêtue d'une robe d'étoffe d'argent garnie de nacre et de brillants, portant des souliers de même étoffe, avec des rosettes à diamants, était conduite par deux chevaliers de main. L'annonce du départ pour l'église l'avait arrachée à son miroir. Elle entrait dans le temple, elle perçait un amas de peuple qui retentissait de ses louanges et dont elle ne perdait pas une syllabe. Elle prononçait un oui, dont elle ne sentait ni la force, ni les obligations. Parfois, pour étaler plus de magnificence, on choisissait par vanité la nuit pour cette célébration. Le mariage avait lieu, comme celui de la fille de Samuel Bernard avec le président Mollet dans l'église Saint-Eustache, à une messe de minuit, éclairée de lustres, de girandoles, de bras, de 600 bougies, une messe qui faisait tenir 100 hommes du guet au portail. À l'issue de la messe de jour, les deux familles se réunissaient dans un grand repas, où la plaisanterie du temps assez vive, salée d'un reste de gaieté gauloise, jouait brutalement avec la pudeur de la mariée. Là aussi, la poésie se répandait en épithalames, dont les meilleurs allaient prendre place dans les mercures, les nouvelles secrètes. Puis, d'ordinaire, les époux prenaient congé, car il était d'usage d'aller consommer le mariage dans une terre. La mariée, c'était encore une habitude assez suivie, embrassait chaque femme conviée à sa noce, lui donnait un sac et un éventail, et cela fait, partait avec son mari. Au-delà de ce moment, en tout autre temps, l'histoire et les documents s'arrêteraient. Mais l'art du XVIIIe siècle n'est-il pas un art indiscret par excellence, qui ne respecte point de mystère dans la vie de la femme et qui semble n'avoir jamais trouvé de porte fermée dans un appartement? Il ne nous fera pas grâce du coucher de la mariée. Et voici, dans une jolie gouache, la jeune femme en déshabillé de nuit, un genou sur la couche entrouverte, les yeux baignés de pleurs, son mari à ses genoux, à ses pieds, semble l'implorer. Une suivante la soutient et l'encourage, pendant qu'une autre chambrière tient l'éteignoir levé sur les bougies des bras de la glace. Qu'on se rassure, pourtant. Le peintre a un peu arrangé la scène pour le dramatique et l'effet. Diderot rendra la vérité au tableau en ne prêtant à l'innocence qu'une seule larme, en la montrant, lorsqu'elle va vers le lit nuptial, sans femme de chambre, n'ayant point la honte de rougir devant son sexe, soutenue seulement par la nuit. Le séjour des époux à la campagne était court. La femme revenait vite à Paris. Mille choses l'y appelaient. Elle avait à rendre ses visites, à prendre possession de sa position, à jouir de ses nouveaux droits. Elle était impatiente de faire voir son bouquet et son chapeau de nouvelle mariée à l'opéra. La coutume à Paris, dans le grand monde, obligeait presque une jeune femme à ne pas laisser passer la semaine de son mariage sans se montrer à l'opéra avec tous ses diamants. Il y avait même un jour choisi pour y paraître, le vendredi, et une loge spéciale affectée aux mariés titrés et de condition, la première loge du côté de la reine. Puis, avant tout, l'impatience était vive chez la femme d'être présentée à la cour. La présentation, quelle grande affaire! Elle avait pour la femme l'importance d'une consécration sociale. Elle lui donnait sa place, elle la faisait asseoir dans le monde, à son rang. Elle la sortait de cette situation douteuse, équivoque même aux yeux de la cour, de cette demi-existence des femmes non présentées, et n'ayant point eu ce rayon de Versailles qui semblait tirer la femme des limbes. Et quel jour solennel, le jour de la présentation! Madame de Genlis nous en a gardé toute l'histoire. Il faut voir Madame de Puisieux, la faisant coiffer trois fois, et la troisième fois, n'étant pas encore tout à fait contente, tant une coiffure de présentation demande de talent, de travail, de patience. Madame de Genlis coiffée, c'est la poudre, c'est le rouge. Puis, le grand corps avec lequel on veut qu'elle dîne pour en prendre l'habitude. À la collerette, une discussion sans fin s'engage entre la maréchale d'Estrée et Madame de Puisieux. Quatre fois on la met, quatre fois on l'ôte, quatre fois on la remet. Les femmes de chambre de la maréchale sont appelées à décider. La maréchale triomphe, mais cela n'arrête point la discussion, qui dure encore tout le dîner. On passe à la fin de la toilette, à la mise du panier et du bas de la robe. Puis arrive une grande répétition des révérences que Gardel a apprises. Et ce sont des conseils, des remarques, des critiques sur le coup de pied donné par Madame de Genlis dans la queue de sa robe, lorsqu'elle sortit à reculons, coup de pied que l'on trouve trop théâtral. Puis enfin, au moment du départ, c'est encore du rouge foncé que Madame de Puisieux tire de sa boîte à mouches et dont elle rougit tout le visage de Madame de Genlis. Imaginez au lendemain de la présentation cette jeune femme s'avançant sur cette scène du grand monde dont la nouveauté l'éblouit, l'étourdit, effrayée par le public, étonnée par cette société qui la regarde, et au travers de laquelle elle marche d'un pas hésitant, comme en un pays plein de surprises. La voilà encore ignorante, ingénue, obéissant aux timidités de son sexe et de son éducation, aux instincts de son caractère, réservée, modeste, indulgente, douce aux autres, laissant échapper toutes les naïvetés naturelles de son âge, de son esprit, de son cœur. La voilà avec cette contenance un peu gauche, avec cet embarras qui ne se dissipe point au premier jour, avec cette mauvaise grâce de l'innocence qui fait sourire les vieilles femmes. La voilà avec ce petit air effarouché, l'air d'un petit oiseau qui n'a encore appris aucun des airs qu'on lui siffle. La voilà faisant de petits sons qui n'aboutissent à rien, mettant un quart d'heure à revenir à elle après une révérence, ne sachant à peu près rien dire, rien jouer, ni rien cacher, pas même un commencement de tendresse conjugale, le dernier des ridicules. C'est alors que par toutes ses voix, le siècle l'avertit, la reprend, la conseille. Elle lui fait la leçon avec son persiflage. Écoutons-le. Comment ? Il y a 6 mois que le sacrement vous lie, et vous aimez encore votre mari ? Votre marchande de mode a le même faible pour le sien, mais vous êtes marquise. Pourquoi cet oubli de vous-même lorsque votre mari est absent? Et pourquoi vous parez-vous lorsqu'il revient? Empruntez donc le code de la parure moderne. Vous y lirez qu'on se pare pour un amant, pour le public ou pour soi-même. Dans quel travers alliez-vous donner l'autre jour? Les chevaux étaient mis pour vous mener au spectacle. Vous comptiez sur votre mari, un mari français. Vouliez-vous donner la comédie à la comédie même? Garderez-vous longtemps cet air de réserve si déplacé dans le mariage? Un cavalier vous trouve belle, vous rougissez, ouvrez les yeux. Ici, les dames ne rougissent qu'au pinceau. En vérité, madame, on vous perdrait de réputation. Et quoi? D'abord une antichambre à faire pitié, des laquais qui se croient à monsieur comme à madame, qui imaginent qu'ils ne sont en maison que pour travailler, qui ont un air respectueux pour un honnête homme à pied qui arrive, qui tire une montre d'argent si on demande l'heure, des laquais sans figure, et qui sont 2-3 grands pouces au-dessous de la taille requise. Vous, madame, on vous trouve levée à 8 heures. Si vous sortiez du bal, vous seriez dans la règle. Et que faites-vous? Vous êtes en conférence avec votre cuisinier et votre maître d'hôtel. Enfin, il vous souvient que vous avez une toilette à faire, mais que vous en connaissez peu l'importance, l'ordre et les devoirs. Vous n'avez que 18 ans, et vous y êtes sans homme. On y voit 2 femmes que vous ne grondez jamais. La première garniture qu'on vous présente est précisément celle qui vous convient. La robe que vous avez demandée, vous la prenez effectivement. Le dîner sonne et vous voilà dans la salle de compagnie lorsque la cloche parle encore. N'y avait-il plus de ruban à placer? Mais quelle est la surprise de tout le monde? Votre maître d'hôtel vient d'annoncer à monsieur qu'il est servi. Après la table, vous voulut pousser la conversation. Songez que vous êtes à Paris. L'ennui appela bientôt le jeu. Je vous vis bailler et c'était la comète, un jeu de la cour. À propos, il m'est revenu qu'on la jouait depuis 4 jours lorsque vous demandâtes ce que c'était. Une bourgeoise du Marais fit la même question le même jour. On étala pour intermède les sacs à ouvrage. Qu'est-ce qui sortit du vôtre? Des manchettes pour votre mari. Sera-ce donc en vain que la France aura inventé les nœuds pour distinguer les mains de condition des mains roturières? Vous vous placez sans avoir dit aux glaces que vous êtes à faire peur, que vous êtes faite comme une folle. Vous allez aux Tuileries les jours d'opéra et au Palais Royal les autres jours. Vous faites pire, on vous y voit le matin. On croirait que vous ne cherchez la promenade que pour bien vous porter. Et lorsque vous y paraissez aux jours marqués et aux heures décentes, comment êtes-vous mise? L'aune de Vendantel est à 50 écus. Que faisiez-vous dimanche dernier dans votre paroisse à 10 heures du matin, déjà habillée? Et qui le croira sans sac? Est-ce ainsi? Est-ce à 10 heures? Est-ce dans sa paroisse qu'une femme de condition entend la messe? Est-il bien vrai que vous assistez au verbe? Le marquis de X vous en accuse, en disant que vous faites ridiculement votre salut. On pourrait vous passer quelques sermons, mais jamais ceux qui convertissent. Une jolie femme est faite pour les jolis sermons. Il s'annonce assez par l'affluence des équipages et le prix des chaises. Il est ignoble de s'édifier pour 2 sols. Et ainsi continue la raillerie, l'instruction sur tout ce qui manque à la jeune femme. Quoi? Point de grâce à s'effrayer d'une souris, d'une araignée, d'une mouche? Point de grâce à se plaindre du mal que l'on sent? Point de grâce à se plaindre du mal qu'on ne sent pas? Point même de grâce d'ajustement? Des robes de goût, il est vrai, mais les garnitures ne sont pas de la duchat. Puis un panier dont le diamètre est tronqué d'un pied et qui n'est pas de la bonne faiseuse. de beaux diamants, mais ils ne sont pas montés par l'empereur. Et les grâces du langage, quelle pauvreté! La jeune femme ne parle-t-elle pas avec la dernière des simplicités? Pour les grâces de caprice, c'est encore pire. Elle est là-dessus d'une misère. Si elle a demandé ses chevaux pour les 6 heures, on la voit en carrosse à 6 heures. Le jeu qu'elle a proposé, elle le joue réellement. La personne qu'elle a reçue si bien hier, elle l'accueille encore aujourd'hui. Bref, elle est toujours la même, elle a de la suite, de la constance. Cela est du dernier uni, un mot qui dit tout en ce temps et qui condamne sans appel. Dans cette leçon ironique donnée au ridicule de la jeune femme, il y a, caché sous la satire, le code des usages du temps, la constitution secrète de ses mœurs, l'idéal de ses modes sociaux. Au milieu du mensonge aimable de toutes choses, sous le ciel des salons et le firmament des plafonds peints, entre ces murs de soie aux couleurs célestes ou fleuries répétées par mille glaces, sur ces sièges où se dessinent les lacs d'amour, sur la marqueterie des parquets, au centre de ce petit musée de rareté, de fantaisie, de petits chefs-d'œuvre, de bijoux et de fantoches répandus dans les appartements, à la campagne même, dans ces jardins qui ne sont plus que terrasses, berceaux, escaliers, amphithéâtres, bosquets, la femme romprait toute harmonie si elle ne se défaisait de la simplicité du naturel. Dans ce siècle de remaniement universel, d'enchantement général, pliant tout ce qui est matière à l'agrément factice d'un style à son image, refaisant jusqu'aux aspects de la terre et les arrangeant à son goût, mettant partout autour de l'homme et dans l'homme même jusqu'au fond de sa pensée la convention de l'art. La femme est appelée à être le modèle accompli de la convention, l'enfant de l'art par excellence. Il faut qu'elle prenne tous les accords de ce temps et de cette société, qu'elle atteigne à toutes ces grâces artificielles, grâces de hasard formées après coup, que la vanité des parents a commencé, que l'exemple et le commerce des autres femmes avancent, qu'une étude personnelle arrive à finir. Des grâces de mode, le monde en demandera à toute sa personne, à son habillement, à sa marche, à son geste, à son attitude. Il exigera d'elle, dans les riens même, ces distinctions, cette perfection de la manière que cherche et poursuit, sans pouvoir jamais l'atteindre, l'imitation de la bourgeoisie. Il lui imposera cette charmante comédie du corps, les penchements de tête, les sourires négligés, les rengorgements d'ostentation, les œillades, les morsures des lèvres, les grimaces, les minauderies, les airs mutins, et ce jeu de l'éventail sur lequel Caraccioli a presque fait un traité. L'éventail, que l'on voit jouer sur la joue, sur la gorge, avec une si jolie prestesse, dont le cliquelis annonce si bien la colère, dont l'allée et l'avenue, comme une aile de pigeon, marquent si bien le plaisir et la satisfaction, dont le coup, mignonnement donné, avec un « finissez donc », veut dire tant de choses. Et que d'autres coquetteries apprendre, la façon de s'adoniser, de se moucheter, de se brianter, de se présenter, de saluer, de manger, de boire en clignotant des yeux, de se moucher. Façon, physionomie, son de voix, regard des yeux, élégance de l'air, affectation, négligence, recherche, sa beauté, sa tournure. La femme doit tout acquérir et tout recevoir du monde. Elle doit lui demander ses expressions mêmes, ses mots, la langue nouvelle qui donne un éclat, une vivacité à la moindre des pensées d'une femme. Accoutumée à tout vouloir embellir, à tout peindre, à tout colorier, à prêter au moindre geste une impression d'agrément, au plus petit sourire, une nuance d'enchantement, le siècle veut que les choses, sous la parole de la femme, se subtilisent, se spiritualisent, se divinisent. Étonnant, miraculeux, divin, ce sont les épithètes courantes de la causerie. Une langue d'extase et d'exclamation, une langue qui escalade les superlatifs, entre dans la langue française et apporte l'enflure à sa sobriété. On ne parle plus que de grâce sans nombre, de perfection sans fin. À la moindre fatigue, on est anéanti. Au moindre contretemps, on est désespéré. On est obsédé prodigieusement. On est suffoqué. Désire-t-on une chose? On en est folle à perdre le boire et le manger. Un homme déplaît-il? C'est un homme à jeter par les fenêtres. A-t-on la migraine? On est d'une sottise rebutante. On applaudit à tout rompre. On loue à outrance. On aime un miracle. Et cette fièvre des expressions ne suffit pas. Pour être une femme parfaitement usagée, il est nécessaire de zézayer, de moduler, d'attendrir, d'efféminer sa voix, de prononcer, au lieu de pigeon et de chou, des pisons et des sous. Mais ce n'est point seulement le personnage physique de la femme que la société change ainsi et modèle à son gré, d'après un type conventionnel. Elle fait dans son être moral une révolution plus grande encore. À sa voix, à ses leçons, la femme réforme son cœur et renouvelle son esprit. Ses sentiments natifs, son besoin de foi, d'appui, de plénitude, par une croyance, un dévouement, la règle dont l'éducation du couvent lui avait donné l'habitude, elle dépouille toutes ses faiblesses de son passé, comme elle dépouillerait l'enfance de son âme. Elle s'allège de toute idée sérieuse, pour s'élever à ce nouveau point de vue d'où le monde considère la vie de si haut, en ne mesurant ce qu'elle renferme qu'à ces deux mesures, l'ennui ou l'agrément. Repoussant ce qu'on appelle des fantômes de modestie et de bienséance, renonçant à toutes les religions, à toutes les préoccupations dont son sexe avait eu en d'autres siècles les charges, les pratiques, les tristesses assombrissantes, la femme se met au niveau et au ton des nouvelles doctrines. Elle arrive à afficher la facilité de cette sagesse mondaine qui ne voit dans l'existence humaine, débarrassée de toute obligation sévère, qu'un grand droit, qu'un seul but providentiel, l'amusement, qui ne voit dans la femme, délivrée de la servitude du mariage, des habitudes du ménage, qu'un être dont le seul devoir est de mettre dans la société l'image du plaisir, de l'offrir et de la donner à tous. Le mari auquel la famille jetait brusquement la jeune fille, cet homme au bras duquel elle tombait, n'était pas toujours le mari répugnant, gros financier ou vieux seigneur, le type convenu que l'imagination se figure et se dessine assez volontiers. Le plus souvent, la jeune fille rencontrait le jeune homme charmant du temps, quelque joli homme frotté de façon et d'élégance, sans caractère, sans consistance, étourdi, volage, et comme plein de l'air léger du siècle, un être de frivolité tournant sur un fond de libertinage. Ce jeune homme, un homme après tout, ne pouvait se défendre aux premières heures d'une sorte de reconnaissance pour cette jeune femme, encore à demi vêtue de ses voiles de jeune fille, qui lui révélait dans le mariage la nouveauté d'un plaisir pudique, d'une volupté émue, fraîche, inconnue, délicieuse. Cependant, des tendresses jusque-là refoulées s'agitaient et tressaillaient dans la jeune femme. Elle était troublée, touchée par je ne sais quoi de romanesque. Elle croyait entrer dans ce rêve d'une vie toute aimante, toute dévouée, qui avait tenté et charmé au couvent son imagination enfantine. Le mari, de son côté, flatté de tout ce travail d'une petite tête qui se montait, de cette fièvre charmante de sentiments dont il était l'objet, le mari se laissait aller à cette jeune adoration qui l'amusait, et il encourageait avec indulgence le roman de la jeune femme. Mais quand toutes les distractions des premières semaines du mariage, présentation, visite, petit voyage, arrangement de la vie, de l'habitation, de l'avenir, étaient à leur fin, quand le ménage revenait à lui-même et que le mari, retombant sur sa femme, se trouvait en face d'une espèce de passion, il arrivait qu'il se trouvait tout à coup fort effrayé. Il n'avait point pensé que sa femme irait si vite et si loin. C'était trop de zèle. Homme de son siècle, mari de son temps, il aimait avant tout le petit et l'aimable des choses. Que venait faire la passion dans son ménage? Il n'y avait point compté. Elle ne convenait ni à son caractère, ni à ses goûts. Elle n'était point faite d'ailleurs pour les gens nés et élevés comme lui. Puis, quelle terreur, quelle gêne, quelle atteinte à sa liberté, à son plaisir. L'attachement exalté, jaloux, inquiet, les mines, les bouderies, les exigences, les interrogations, les espionnages, l'inquisition à toute heure, les scènes, les larmes, les déclamations. L'ennui, la découverte était grand chez un homme marié déjà depuis quelques mois et sollicité, au plus tard, à la fin du premier, par la vie de garçon qu'il avait enterré à un souper de filles, tiraillé par ses vices de jeune homme, par les souvenirs, l'appétit des vieilles habitudes, la monotonie d'un bonheur qui n'était pas relevé de coquinerie. Un peu honteux, et tout cela l'échauffant, il tâchait cependant d'être poli avec ce grand amour de sa petite femme, et à ses plaintes, il répondait avec une ironie câline et une indifférence apitoyée, prenant le ton dont on use avec les enfants pour leur faire entendre qu'ils ne sont pas raisonnables. Puis il se faisait plus rare auprès d'elle. il disparaissait un peu plus apparemment chaque jour de la maison conjugale. La femme alors, la nuit, à 4 heures du matin, brisée d'insomnie et écoutant sur son lit, entendait rentrer le carrosse de monsieur. Et le pas du mari ne venait plus à sa chambre. Il montait à une petite chambre auprès de là, qui lui donnait la liberté de ses nuits et de ses rentrées au jour, parfois, comme elle arrivait alors, à la sonnerie de l'Angélus. Le matin, la femme attendait. Enfin, à 11 heures, monsieur faisait demander cérémonieusement s'il pouvait se présenter. Reproche, emportement, attendrissement, il essuyait tout avec un persiflage de sang-froid, l'aisance de la plus parfaite compagnie. La femme, au sortir de Paris-Seine, se tournait-elle vers ses grands-parents? Elle était tout étonnée de les voir prendre en pitié sa petitesse d'esprit et traiter ses grands chagrins de misère. Sur la figure, dans les paroles de sa mère, il lui semblait lire qu'il y avait une sorte d'indécence à aimer son mari de cette façon. Et au bout de ses larmes, elle trouvait le sourire d'un beau-frère lui disant « Eh bien, prenons les choses au pire. Quand il aura une maîtresse, une passade, que cela signifie-t-il? Vous aimera-t-il moins au fond ?» À ce mot, c'était de grands cris, un déchirement de jalousie. Le mari survenait alors et glissait en ami ses paroles à sa femme. « Il faut vous dissiper. Voyez le monde, entretenez des liaisons, enfin, vivez comme toutes les femmes de votre âge. » Et il ajoutait doucement, « C'est le seul moyen de me plaire, ma bonne amie. »